Bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce dimanche 11 novembre 2018. Tout d'abord, les titres. Le ministre burundais des Transports dit être étonné de la décision de l'agence de transport aérien Kenya Airways de suspendre le vol de jet sur Bujumbura à partir de ce 9 novembre. Le ministre du Transport tranquillise que des consultations avec les responsables de cette agence kenyane sont en cours. Le manque d'eau potable fait parler de lui à Kagwema. Nous sommes dans la commune Gihanga au nord-ouest du pays. La population de cette localité craint des maladies liées au manque d'hygiène. Vous l'entendrez dans cette édition. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida dit qu'il mène des discussions avec le gouvernement burundais afin de trouver une solution durable au manque des médecins spécialistes. Les détails, c'est dans quelques instants dans cette édition. Eric Ouimana assure la mise en onde. Moïse Misago à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page Santé. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait savoir que son ministère est en train de discuter avec le gouvernement burundais pour engager les médecins spécialistes dans l'optique de pallier le manque des médecins spécialistes. Le docteur Tade Ndikoumana l'a déclaré ce jeudi lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours du premier trimestre 2019. Selon lui, le manque de cette catégorie de médecins est dû à leur salaire élevé, mais que ceux qui sont disponibles aujourd'hui sont à l'œuvre. On l'écoute. Nous avons un manque de spécialistes dans les hôpitaux régionaux, les hôpitaux nationaux. Et nous avons un bon nombre de spécialistes au CHK. Et ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de revoir les textes. Actuellement, compte tenu des salaires qu'offre le gouvernement du Burundi, au niveau de la fonction publique, le gouvernement a mis en place un quota. Et nous avons fait appel à des spécialistes qui ont répondu à notre requête. Ils sont à Car aussi dans les hôpitaux comme Prince Régent. Mais on en a besoin toujours. Ce que nous allons faire au niveau du ministère de la Santé, c'est de discuter avec eux, discuter, échanger avec le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, pour que ces spécialistes puissent aussi aller à l'intérieur pour encadrer les stages, pour aussi soigner. Et cela est en train d'être étudié au niveau du gouvernement. Qu'à cela ne tienne, il faut que nos collègues médecins spécialistes puissent comprendre qu'ils ont étudié sur les frais de la population. Il est vrai, le salaire est indispensable, mais le patriotisme aussi compte. On aimerait qu'ils puissent travailler ici au Burundi et ceux qui ont besoin de leur spécialité puissent les rejoindre ici au Burundi et même le pays pourra en bénéficier. Quant au manque de médicaments de spécialité, le ministre Tade Ndikoumana indique qu'il privilégie les médicaments génériques au détriment des spécialités, car étant accessibles et à des prix abordables. Toutefois, le ministre de la Santé précise qu'ils ont autorisé l'importation des médicaments. Suivez-le. Effectivement, pour des pathologies spécifiques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies mentales, dans le temps, il y avait l'arrêté de ce type de molécules, mais ce que je voudrais communiquer à la population, c'est qu'au niveau de la CAMEBU, le ministère de la Santé met en avant la disponibilité des médicaments génériques. Parce que c'est prouvé que non seulement les médicaments génériques sont efficaces, mais aussi sont accessibles en termes de coût. Donc, ce que nous mettons en avant, c'est la disponibilité des médicaments génériques. Actuellement, à la CAMEBU, les médicaments sont disponibles. Alors, les spécialités sont admises dans le système de santé du Burundi. Mais ils ne peuvent pas s'y planter les génériques compte tenu des moyens que l'État dispose. Alors, ces spécialités, il y a eu arrêté, mais actuellement, nous avons donné l'autorisation pour que ces spécialités soient importées via les pharmacies grossistes privées, puisque la CAMEBU a la spécificité en termes de disponibilité des médicaments génériques essentiels. Et aussi, on a vu qu'il y a des kits de médicaments qui ont été octroyés au ministère, surtout pour les malades qui ont des problèmes au niveau des problèmes mentaux. Et le reste, on travaille en commun accord avec le secteur privé pour que ces spécialités soient disponibles. Mais il faut que la population burundaise comprenne que le coût et la qualité s'avancent. Donc, les médicaments génériques soignent très bien et sont accessibles en termes de coût. Et c'est ce que nous devons faire avant de penser aux spécialités. À présent, page transport, le ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement dit être surpris par la décision prise par la compagnie aérienne kenyane, Kenya Airways, de suspendre les vols directs de Jumbo Jet sur Bujumbura à partir du 9 novembre. À la clôture des travaux communautaires de ce samedi devant l'hôpital de Kirundo, le ministre Jean Bosco Ntunzinimana a indiqué que le Burundi n'avait pas encore conclu le contrat avec la compagnie Jumbo Jet avant de se lancer à vendre les tickets de transport, mais se demande si Jumbo Jet et Kenya Airways sont d'une même compagnie et espère que le dialogue va poursuivre pour trouver solution. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la radio Rema FM. Suivez le ministre des Transports traduit en français par Placide Nyomonge. Le gouvernement burundais est là pour la promotion du secteur des transports. C'était lundi 5 novembre quand la compagnie Jumbo Jet nous a demandé d'opérer sur Burundi en même temps que les autres. Sans attendre l'autorisation, nous avons constaté qu'ils se sont lancés à vendre des tickets avant même de conclure des contrats. Mais aujourd'hui, nous sommes alors surpris d'avoir la publication de la compagnie Kenya Airways alors qu'on discutait avec Jumbo Jet. On ne sait pas si Jumbo Jet et Kenya Airways forment une seule compagnie, mais nous nous réjouissons que des vols quotidiens de Kenya Airways sur Bujumbura restent maintenus. Nous restons prêts pour les consultations avant de savoir l'origine de toutes ces décisions. À part que les prix des tickets de vol Bujumbura-Nairobi de Kenya Airways restent très élevés, le prix de Jumbo Jet n'écarte pas cette situation. En plus de savoir de quel type d'avion ils vont utiliser pour la sécurité des passagers, on reviendra également sur ces prix. Il y a le dialogue qui est prévu. On espère bien qu'on aboutira à une solution, même si des décisions unilatérales de Kenya Airways continuent à tomber au lieu de privilégier la voie du dialogue pour la sécurité et le développement du secteur d'aviation au Burundi. Et page société à présent à 13h05 dans l'est de la radio Isanganiro, le manque d'eau potable est devenu un casse-tête pour les habitants de la colline Kagwema, commune Gihanga dans la province de Bubanza. Nous sommes au nord-ouest du pays. Il y a 3 mois que les bornes et fontaines de la place Ontari, ils puisent de l'eau sale dans la rivière Rusizi. Et les maladies des mains sales sévissent déjà dans cette localité. 3 malades présentant les symptômes semblables à ceux du choléra, selon les témoins sur place, ont été admis à l'hôpital depuis la semaine passée. Cependant, les responsables sanitaires tranquillisent en précisant qu'il n'y a pas de choléra dans cette localité. Spes Cartas Kabanyana, correspondance. Les habitants de la colline Kagwema, dans la commune de Gihanga, disent qu'ils sont confrontés à un manque d'eau potable et puis de l'eau sale de la rivière Rusizi. Le chef de colline précise qu'il y a plus de 3 mois que les bornes fontaines de la place Ontari. Ce n'est que ce jeudi que l'une de ces bornes fontaines a recommencé à donner de l'eau en très petite quantité, ce qui n'empêche pas que les habitants de cette localité continuent à puiser l'eau sale de la rivière Rusizi, selon Obed Habonayo, le chef de colline Kagwema. Les habitants de cette localité craignent qu'une maladie présentant des symptômes semblables à celle du choléra risque de se propager. Depuis la semaine passée, 3 malades ont été admis à l'hôpital Gihanga, 2 sont guéris, l'autre continue à être soigné selon la même source à Kagwema. Les habitants de Kagwema louent cependant l'intervention rapide de l'association des volontaires Croix-Rouge qui ne cesse de mener des activités de pulvérisation dans les ménages de ceux qui ont été attrapés par cette maladie et dans les alentours. Le médecin chef de district sanitaire de Manda nous a signifié qu'il n'y a pas de maladie de choléra dans cette localité de Kagwema. Et le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza nous a souligné ce samedi qu'elle n'est pas au courant de cette maladie. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Quittons Bubanza vers Muyinga, au nord-est du pays. Des résidents du quartier Gakashi de la ville Muyinga déclarent que leurs maisons sont menacées d'effondrement suite à un ravin d'une 20 mètres de profondeur passant par ce quartier. La plupart d'entre eux attendent le déménagement suite à l'orientation du premier vice-président de la République qui a visité l'endroit la mi-octobre lors de la célébration de la journée dédiée à la prévention contre les catastrophes. Diédéno Zeymana, correspondance. Tout autour d'un ravin s'approfondissant du jour au jour dans cette période de pluie, des maisons sont fissurées, des chambres déjà effondrées, Les habitants s'abritent tout de même dans ces bâtiments, pourtant menacés de s'écrouler avec le terrain. Pour éviter que des enfants tombent dans ce fossé de plus de 20 mètres de profondeur, les parents font des barrières en corde. Le risque est grand de se retrouver un jour sous les ruines, signale un habitant qui affirme y vivre malgré lui, car sans moyen de déménager. Des résidents de ce quartier d'Igakashi en ville de Muyinga espèrent la concrétisation de l'orientation du premier vice-président de la République lors de la célébration de la journée dédiée à la prévention contre les catastrophes à Muyinga le 19 octobre. Différentes autorités ont visité l'endroit. Lors de son discours, Castor Sindimo, vice-président de la République, a signifié que ses habitants devraient être réinstallés à un autre endroit. À différents endroits de la ville de Muyinga, le ravinement continue suite aux eaux se déversant dans des rues sans caniveau en provenance des bâtiments tant public que privé. Des habitants attendent des réalisations concrètes pour redresser cet état de fait. Maintenant, c'est pour les habitants de la ville, mais aussi pour les résidents des versants et vallées tout autour de ce centre urbain de Muyinga. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Au sud du pays, la divagation du bétail se poursuit sur différentes collines de la province Rumonge, malgré la mesure du gouverneur de cette province interdisant cette pratique à tout éleveur sans pâture propre. Cette mesure devrait entrer en vigueur depuis le 10 octobre de cette année. Certains éleveurs estiment qu'ils sont encore dans la période de grâce leur accordée par les élus du peuple, mais pas pour faire paître leur bétail dans les champs de culture, selon le gouverneur de cette province de Rumonge, Jean-Pierre Misago. Depuis ce 10 octobre dernier, date butoir au-delà de laquelle la divagation du bétail devrait s'arrêter en province de Rumonge, sauf ceux qui ont des zones pâturables et qui auraient préalablement demandé des papiers justifiants, et cela pour éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs qui étaient devenus monnaie courante dans cette province. Les vaches, les chèvres et les moutons s'observent encore en train de brouter sur différentes collines et dans certains endroits comme dans le quartier Virimba de la ville de Rumonge, des champs de culture sont ravagés et aucun éleveur ne s'est présenté pour demander des attestations prouvant qu'il est en possession d'une zone pâturable. Même si personne ne soutient que le bétail ravage des champs de culture, certains éleveurs de Rumonge interrogés disent qu'ils sont encore dans la période de 3 ans de préparation à la stabulation permanente récemment leur accordée par les élus du peuple et qualifient de pression non fondée cette mesure du gouverneur de Rumonge. Selon Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, cette justification des éleveurs ne tient pas debout. Il indique que les élus du peuple n'ont pas du tout accordé aux éleveurs 3 ans pour faire paître leur bétail dans les champs de culture d'autrui et dans les domaines des particuliers, mais plutôt dans leurs propres parcelles ou celles pour lesquelles ils ont des papiers justificatifs, alors que les cultivateurs les demandent l'application effective de cette mesure du gouverneur. Juvenal Bigirimana dit qu'il a ses représentants depuis la colline et celui qui se montrera inapte pour appliquer cette mesure sera automatiquement limogé. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et pour clore cette édition page sportive, la boxeuse burundaise Ornella Habyarimana a pris l'avion ce dimanche à destination de l'Inde. Elle participe au championnat mondial de boxe qui se déroulera à New Delhi en Inde du 12 au 25 novembre cette année. Cette boxeuse Ornella Habyarimana, native de la zone Kamengamere de Bujumbura, a décroché la médaille d'or au cours du tournoi de la communauté est-africaine qui se sont déroulés à Bujumbura au mois d'août de l'année en cours. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, c'est à 13h12 dans les studios de la radio Isanganiro que nous arrivons à bon port. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Gardez l'écoute de la radio Isanganiro. Au revoir.